chapitre 57 et fin du livre de Carla Serena, Hommes et choses en Perse. Déjeuner dans la tour du palais. Une nouvelle Ophélie. Arrivée du Yelma. Délivrance. Départ d'Enzeli, la barre du Mourdab. Levée de la quarantaine. Retour en Russie. Le lendemain, je fus invitée à déjeuner au palais. Ayant rencontré plusieurs fois déjà à Recht le gouverneur de Rilan et celui de Talisch, j'acceptai, sachant que ces deux personnages connaissaient les usages européens. Une embarcation vint me prendre et me conduisit au Samsat Amarat. Je fus reçue dans le salon réservé aux chats. Après quelques paroles échangées, on servit le déjeuner. Selon l'usage, les plats ou le lait caillé dominé étaient disposés à terre au milieu de la salle, sur une nappe en cuir recouverte d'une autre en étoffe coloriée. La place des convives était marquée par un morceau de lavage. Un fauteuil et un couvert complet indiquaient la mienne. À ma droite était accroupi le gouverneur du Rilan. À ma gauche se tenait la richesse du pays, cause de tous mes maux. Son Excellence me tendit la main avec son sourire le plus gracieux, auquel vraiment je ne me sentais guère disposée à répondre. À son côté était le chef du clergé, beau vieillard à barbe rouge, note, et non rousse, car elle était teinte, fin de note. Cette couleur insolite lui aurait valu le surnom de barbe rousse si elle n'était commune en Perse. Le gouverneur du Rilan portait un ralat magnifique, don de sa majesté, à laquelle il était allié par sa femme, grand-tante du chat. Je n'eus qu'à me louer des égards respectueux que tous me témoignèrent. Grâce à un interprète que l'on avait fait venir, je pus me faire comprendre de mes hôtes. L'entretien, entrecoupé de phrases cérémonieuses, roula sur des banalités et des choses insignifiantes. Le chef du clergé me parla de la grandeur de l'islam et de sa puissance. Ce fut là le seul sujet sérieux de la conversation. Le repas terminé, les convives passèrent sur la terrasse de la tour, placée dans une position admirable. Je compris le goût du chat de choisir pour son appartement l'étage supérieur de ses palais, surtout quand ils sont situés, comme l'est celui d'Enzeli. Enfin, je pris congé de mes hôtes. La richesse du pays partit le même jour pour effectuer son voyage par terre. Ceux qui l'avaient accompagné retournèrent à Recht. Victime de tant de bon vouloir, je restais de nouveau seule, l'âme flottant entre l'espérance de partir bientôt et la crainte de ne pas voir arriver le bateau après lequel je soupirais depuis tant de semaines. On eût dit que le but s'éloignait à mesure que je croyais l'atteindre. La seconde période de mon installation sur le yacht fut encore plus désagréable que la première. La femme du mécanicien, se livrant de plus en plus à sa passion pour la boisson, à mon grand effroi, je la vis plusieurs fois prise de délirium tremens. J'ai toujours eu la plus grande répulsion pour les gens en état d'ivresse. Mais à bord, toujours en face de cette femme ivre, je ne pouvais échapper à cette vue. L'argent que je lui payais pour ma nourriture était bien vite dépensé. Aussi me faisait-elle faire maigre presque tous les jours en ne me donnant à chaque repas qu'un tout petit poisson. Peut-être, en vue de sauver mon âme, me forçait-elle à suivre les jeûnes si fréquents prescrits par l'Église orthodoxe. Grâce à l'économie qu'elle réalisait sur moi, elle s'était approvisionnée de plusieurs petits barils de vodka qu'elle avait caché avant l'arrivée de son mari. Car, me dit-elle un jour, il la battait quand il la voyait boire. Lorsqu'elle n'avait pas d'accès de délirium tremens, son ivresse était gaie. Souvent, le soir, je la voyais coucher tout à fait au bord de l'eau, chantant pendant des heures entières. Avec sa robe flottante, ses cheveux épars, elle représentait une Ophélie d'un nouveau genre. Après une autre longue semaine d'attente, un petit navire marchand à vapeur, le Yelma, mouilla à Enzeli. Aussitôt, je me rendis à bord. Après avoir raconté au capitaine ma mésaventure et la situation dans laquelle je me trouvais, je le priai de me donner passage. Il accéda à ma demande, bien qu'il ne prît jamais de voyageur. J'étais en effet le seul passager, mais ma patience fut encore mise à une nouvelle épreuve. Pendant plusieurs jours, le capitaine fut forcé d'attendre les papiers du bord, autorisant son départ, pièce que le consul de Russie à Recht ne se pressait pas de lui envoyer. Enfin, à ma grande joie, le Yelma se mit en route et glissa lentement sur les eaux paisibles du Mourdab. Arrivé à une certaine distance, il subit un léger choc. Note. Très souvent, un vent violent s'élève tout à coup et rend infranchissable la barre qui sépare le lac de la mer. Parfois, il est tout aussi impossible d'entrer dans le port d'Enzeli que d'en sortir. Les changements de temps très fréquents dans cet endroit font que ni la date de l'arrivée ni celle du départ des bateaux ne peuvent jamais être précisées. Fin de note. Le bateau venait de franchir heureusement la barre, limite extrême du pays. J'avais quitté l'Iran, je voguais sur la mer Caspienne. Il me restait une dernière inquiétude. La quarantaine serait-elle levée ? Note. Un Européen qui avait subi la quarantaine à Astara me fit la description du martyr qu'il avait enduré dans une hutte au milieu d'une vingtaine de persans couverts de vermine qu'il jetait loin d'eux sans la détruire. Pendant plus d'un mois, il n'avait pu s'en débarrasser. Fin de note. Après une nuit passée sur le Yelma, j'atteignis à l'aube Astara, située sur la rivière du même nom qui forme la frontière entre la Perse et la Russie et dont l'une des rives est musulmane et l'autre chrétienne. Note. Astara. Astara forme la limite depuis le traité de paix signé en 1828 par le général Paskevitch et M. Obreskov au nom de la Russie et Abbas Mirza, fils de Feth Ali Shah et ses ministres pour la Perse. Les Russes, après avoir fait la conquête de plusieurs provinces persanes, conservèrent Erivan. La prise de cette place valut au vainqueur, le général Paskevitch, le titre d'Erivanski, comte d'Erivan. Fin de note. Troisième note. Sur la rive persane, il n'y a que quelques cabanes éparpillées. Du côté russe, Astara présente l'aspect d'un village. Il y a un bureau, deux douanes, une église, etc. Laissant l'empreinte de mon dernier pas sur le sol marécageux de la Perse, je sautai dans le canot qui allait me conduire sur le rivage russe. J'adressai un dernier adieu à la patrie des roses. L'Iran ne vivait déjà plus que dans mes souvenirs. À peine débarqué, j'appris une heureuse nouvelle. Le matin même, la quarantaine venait de finir. Note. Cette nouvelle me fut annoncée par l'officier de la douane qui me reconnut pour m'avoir vu à Poti lors de mon arrivée au Caucase 2 ans auparavant. Il me tendit la main et me dit « Pour la seconde fois, soyez la bienvenue en Russie. La quarantaine m'a retenue ici avec ma femme. Elle sera charmée de vous revoir. Venez déjeuner avec nous. » Fin de note. Je saluai avec joie le soleil qui, en se levant, noyait mes tribulations dans les brumes de l'aurore et me montrait l'horizon inondé de lumière et d'espérance. Fin du 57e chapitre et du livre de Carla Serena, Hommes et choses en Perse.